feeling of my love, yeah. To feel the feeling of my love, yeah. To feel the feeling of my, feel the feeling of to feel the feeling of my love, yeah. I know you feel the feeling of my love. Feel the feeling of my love. Feel of my love. The feeling of my eyes when I saw you, so beauty, so cool. Yeah, it's you. So feel the feeling of my, so cool. I say, so when I feel the feeling of my feel the feeling of mine. Feel the feeling of mine. Feel the feeling of mine. So when I saw you, so when I saw you now, when I saw you, you are so cool. So when I saw you now, thank you. feeling. Maïkouné. Il aime bien quand on l'appelle Maïkouné. Il est gentil. Il aime bien quand on l'appelle Maïkouné. Il est gentil. Il aime bien quand on l'appelle Maïkouné. Il aime bien quand on l'appelle Maïkouné. Thank you. feel the feeling. Feel the feeling. Jack dans les soirées, Jack dans les soirées, il invite Jack dans les soirées. Jack dans les soirées, yeah, yeah. Il invite Jack. So Jack, il invite Jack dans les soirées. Il invite Jack. Payer un pot. Invité Jack dans les soirées. Il invité Jack. Sympa, si brillant, si gentil. Il invitait Jack dans les soirées. Il était sympa. Il rentrait dans les sacs et dans les poches même. Il ramenait des petits jackounets, des petits jacks, des mini jacks, des gros jacks. Les larmes ont coulé, mais Jack était là. Yeah, yeah. Les larmes ont coulé, mais Jack était là. Yeah. Petit Jack. Gros Jack, des petits Jack dans les poches, un gros Jack dans le sac, petit Jack dans les poches, un gros Jack, yeah, yeah. Jack dans les soirées. Jack dans les soirées. Dans les soirées. Les larmes ont coulé. Jack était là, yeah. Jack. Et Jack dans les poches, né. Et Jack dans les poches, né, yeah. Jack dans les poches, né, yeah. Les larmes ont coulé. Jack était là, yeah. Les larmes coulaient dans les soirées. Et Jack était là, yeah. Et dans les soirées, yeah. Et Jack était là, yeah. Et dans les soirées, yeah. Le Jack était là, yeah. Invite ton Jack. Invitons-le, yeah. Invitons Jack. Invitons Jack. Petite bouteille perso, grosse bouteille à faire partager. Petite bouteille perso, grosse bouteille à faire partager. Petite bouteille perso, grosse bouteille à faire partager. Il est perso, il est perso le fil. Il est perso, il est perso. Yeah, let's get some love. Say hi, hi, some love with Jack. Say hi, hi, some love with Jack. Say hi, hi, some love with Jack. Say hi, hi, some love. I love, I love you, I love you. Le Jack dans les soirées, le Jack dans les soirées, le Jack dans les soirées. Le Jack a partagé, le Jack, les larmes ont coulé, et Jack était là, yeah. Les larmes ont coulé, yeah. Et Jack était là, yeah. Les larmes ont coulé, yeah. Jack était là. Jack était là dans les soirées, et Jack était là dans les soirées, et Jack était là dans les soirées. Le Jack était là dans les soirées, et qu'est-ce qu'on avait bien rigolé. Le jacket et là dans les soirées. Et qu'est-ce qu'on avait rigolé hier. Était là dans les soirées, qu'est-ce qu'on avait bien rigolé. Et Jack était là dans les soirées. Jack était là dans les soirées, qu'est-ce qu'on avait bien rigolé. Cigarette aussi. Jack était là dans les soirées. La cigarette aussi. Jack était là dans les soirées. Et Jack était là dans les soirées. La cigarette aussi. Je vais dormir. C'est la musique pour dormir. Dormez maintenant. Oui. Open the door, open the door of the life, open the door. I want to go sleep. After you sleep now. sleep now, so let me go. quand j'ai vu ce type là, when I saw this guy, he had the same clothes. Underpants. So when I saw this guy, he had the same underpants, the white underpants. Sound is good. so much crying this world, yeah. So when I saw this guy, and I saw so sad, so much pain.